Don Luis Tenorio, je vous en prie, écoutez-moi. Je viens parler de mon bourreau, de votre fils ce scélérat. Je vous respecte, vous savez, voyez ce qu'il a fait de moi. Une maîtresse, une poupée, ce qu'il promet, il le tient pas. Je vous en prie, parlez-lui. Dites-lui qu'il y a une fille qui pleure, qui a mal et qui prie et qui meurt. Dites-lui tout ce qu'il m'a promis, lui qui m'a épousée et trahie. Vous connaissez bien ma famille, comment pourrais-je leur apprendre? Je suis la putain de Séville, essayez de lui faire comprendre. Je vous en prie, parlez-lui. Dites-lui qu'il y a une fille qui pleure, qui a mal et qui prie et qui meurt. Dites-lui tout ce qu'il m'a promis, lui qui m'a épousée et trahi. Dites-lui, je retourne en courant, que je le maudis en l'attendant. Dites-lui, je l'aime. Dites-lui qu'il y a une fille qui pleure, qui a mal et qui prie et qui meurt. Dites-lui tout ce qu'il m'a promis, lui qui m'a épousée et trahi. Dites-lui, je retourne en courant, que je le maudis en l'attendant. Dites-lui, je l'aime et je l'attends.